Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Avec Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Bon matin, Rémi. Stéphane, on va parler du Canadien de Montréal hier. C'est une victoire qui doit faire du bien pareil. Là. Puis, tu sais, à quelque part, moi, je pense pas qu'il fasse les séries. Il ne faut pas partir en peur. Mais là, ça va se décider. Le 9 des 13 prochains matchs sont à domicile. J'ai l'impression que c'est là que ça va jouer. Là. Oui, sûrement. Ça va être une séquence très importante pour le Canadien. Mais oui, le soulagement d'hier après le match a dû être complet pour. Claude Julien et toute sa troupe. On sait bien là que c'était, depuis le début de la saison, un peu l'enfer à Montréal, un scénario catastrophique. On se devait de gagner et on a réussi à aller chercher une belle victoire. Et le modèle d'affaires du Canadien hier, ben, ça a été simple. Carey Price qui fait le travail en première période, permet à son équipe de rester dans le match, chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de la saison. Et par la suite, là, le Canadien a pris un petit peu... le contrôle du match en deuxième période et a été très opportuniste. Mais un match typique où le Canadien doit avoir du succès, c'est-à-dire un Price en pleine forme et un peu là, de l'opportunisme au niveau offensif. C'est-tu quelque chose qui... Il y en a beaucoup qui disent que c'est résolu le temps d'avoir un gardien de but. Parce que l'an prochain, ça va être 14% de la masse salariale. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que c'est un bon gardien juste correct? Mettre l'enfant sur l'attaque, sur la défensive, où il n'y a pas vraiment de recette miracle? Là. Ben moi, j'aime bien une équipe qui est bien balancée, bien équilibrée. Okay. Pour moi, là, pour avoir du succès régulièrement ou de façon constante dans la Ligue nationale ou dans le hockey de haute compétition, ça prend un bel équilibre entre l'offensive et la défensive. Donc, si on a un excellent gardien de but, mais on n'est pas capable de bien jouer devant lui, autant offensivement que défensivement, à quoi bon d'avoir le meilleur gardien de but au monde? Mmh. On l'a vu dans le passé, et puis il y a des statistiques qui ont sorti à cet égard-là, que c'est pas nécessairement les meilleurs gardiens de but qui gagnent les championnats, mais c'est des gardiens de but qui sont de bonne qualité, qui font le travail, de toute évidence. On pense à Matt Murray à Pittsburgh, Corey Crawford à Chicago, j'en oublie plusieurs, Jonathan Quick à Los Angeles. Mais ces gardiens de but-là, d'excellents gardiens de but, mais devant eux, il y avait une équipe de hockey. Ah oui. Donc, c'est là que c'est important d'avoir un bel équilibre et de bien partager l'argent sur le cap salarial pour s'assurer là, qu'on a de bons attaquants et de bons défenseurs. OK. Stéphane, si on parlait un peu de la déclaration de Mike Bossy, je ne sais pas si tu as pris ça à TVA Sport, Mike Bossy qui a mentionné, j'en mettrais le C, à moins de Max Maturity, j'en mettrais le C parce que c'est une nuisance. T'as-tu déjà eu l'occasion d'avoir le C, toi, dans ta carrière? Pas dans la Ligue nationale, mais oui. OK. Est-ce que c'est vrai que ça peut déranger un joueur? Il y a des joueurs qui sont moins à l'aise d'avoir une lettre sur leur chandail, mais vous savez, dans la Ligue nationale, dans le hockey professionnel, on parle souvent du leadership. Il est très, très important, sans aucun doute. Mais le leadership ne revient pas simplement au capitaine et c'est pas parce que tu as une lettre sur ton gilet que tu es nécessairement le leader. Ouais. Parfois, là, je parle par expérience, en 93, il y avait Carbonneau qui était capitaine, puis il y avait des assistants, mais je peux vous dire que dans le vestiaire, on était 12-15 leaders qui faisaient les choses correctement. Donc, faut arrêter de penser là, que Match Maturity doit transporter tout le leadership à lui seul sur ses épaules. Et je ne pense pas que c'est ça qui l'empêche de marquer des buts. Match Maturity a un mauvais début de saison à l'image de tous ses coéquipiers. Et si on regarde par rapport à l'année passée, il y a quasiment le même style de début de saison de l'année passée en termes de production offensive. C'est un gars qui marque par séquence. Donc, je pense que c'était peut-être un petit peu rapide pour sauter aux conclusions. Oui, on sait bien là que dans le vestiaire, le capitaine, c'est possiblement... Le vrai capitaine, c'est possiblement Shea Weber. Mais il est là maintenant pour appuyer Max Pacioretty, mais un petit peu trop tôt pour dire là, qu'il faut enlever le C à Max Pacioretty. Mais ça dépend toujours. Écoute, tu as parlé de 93, l'histoire l'a dit, tu étais dans le vestiaire, l'histoire l'a dit que ça s'est déclenché quand Patrick Harrois a fait une sortie dans le vestiaire et a dit d'arrêter de respecter les Nordiques. Puis d'avoir pas avoir peur. C'est à partir de ce moment-là que le vent virait de bord. Donc, c'est... Puis Patrick n'avait pas le C. Là. Non, mais c'est ça que je dis. T'sais, à un moment donné, le leadership, ça prend un groupe de leaders, des endosseurs de leaders également, qui des joueurs, dans le fond, qui poussent dans la même direction, autant quand ça va bien, quand ça va mal. Présentement, le Canadien sous-performe, connaît un début de saison catastrophique, mais c'est pas en paniquant qu'on règle les choses. Et puis présentement, Pacioretty, il faut lui laisser la chance là, de se replacer personnellement. Puis en même temps, là, on espère qu'il va être bien soutenu dans le vestiaire, parce que à lui tout seul, si t'es tout seul qui t'es dans une direction et les autres ne suivent pas, ben t'as beau être le meilleur capitaine ou leader du monde, ça devient compliqué là pour faire en sorte que les autres te suivent. OK. Stéphane, si on parlait maintenant de ce qui fait parler ce matin la planète hockey, la planète montréalaise, c'est pas la victoire du Canadien d'hier, le fait que le club se replace, c'est un match, faut pas tirer en peur. C'est la déclaration de Mario Tremblay au 98.5. Mario Tremblay qui est allé dire qu'Alex Galchenyuk avait, par le passé, avait été en cure de désintoxication peut-être à deux reprises. Les journalistes s'injurent à Montréal, ça arrête jamais sortir. Mario a fait preuve de manque de professionnalisme. C'est quoi ta vision là-dessus? Moi, je me dis, garde, on s'en fout un peu. Garde, c'est parle-nous de hockey, que Gaël Chinook s'en aille sur la glace. C'est ça qui nous intéresse. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Ben moi, je pense que il faut être prudent lorsqu'on fait des déclarations comme ça, de toute évidence. Il y a parfois qu'il y a des déclarations qu'on peut faire parce que la nouvelle est connue et c'est public. On sait très bien, là, avec le programme de l'association des joueurs, les joueurs peuvent demander de l'aide sous toute confidentialité. Alors, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé pour que Mario ou un autre journaliste fasse cette sortie-là. Et j'étais un peu surpris parce que moi, qui est un petit peu impliqué dans le monde du sport, dans le monde des médias, j'avais pas eu vent que Galchenyuk là avait eu recours à ça. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était pas vrai? De toute évidence, parfois, il faut faire attention pour pas étaler la vie publique d'un joueur. Et puis bon, Mario, est-ce qu'il l'a fait de bonne volonté ou est-ce que c'était une nouvelle déjà connue? À ce moment-là, c'est difficile pour moi d'y répondre. OK. Ben, Stéphane, on se reparle très prochainement, dans 2-3 semaines, pour l'actualité chez le Canadien de Montréal. Bon, ben, merci, Denis. Le collaborateur Stéphane Labeau.